Tichéna. On refuse d'y croire. On refuse d'y croire. On croit pas en notre histoire. Le noir se voit sur un papier blanc. Le papier qui par rapport à un homme noir. Une calamité ou simplement une touche d'espoir. Un ange passa lorsque Lucifer déclara la guerre. Mon frère, c'est la bataille contre la paix. C'est des chelasses qu'on essuyait contre des gars qu'on tapait. Ah, 3-4 balles qui chargent au pétard, pétard. Imitation Beretta, on a les points comme armes de corps. On enchaînait les mandales, mon pote, on s'en souvient encore. À l'époque, on était petits frères, mais fiers quand on gagnait notre première veste. Notre première raquette pour des plopinettes. On refusait d'y croire, ils croyaient pas en notre histoire. J'ai été insolent pour que l'on entende mes sentiments. Ah, j'ai été violent pour qu'on ressente mon manque d'aisance. Ah, j'ai vidé des canettes. Où mon ami puisait une véritable essence. Mais à 19 ans, c'est avec une reconnaissance de mes efforts que j'avance. Père de famille, mon gars, regarde comment changent les gens. J'ai aimé la vie, elle me l'a rendue du coup. J'ai détesté la mort, mais elle m'harcèle. C'est en privé qu'elle m'appelle. De toute cette ignorance, j'ai été déçu. Des décès en excès, on exerce notre foi. Maintes et maintes fois mise à l'essai. C'est la faucheuse qui nous attend au tournant. Je reste sur la ligne droite et mes deux mains sur le volant. Je veux éviter de dériver sur le pas côté. Destiné à lutter, malgré les poings serrés, le cœur pincé, dégoûté, mais obligé de continuer. On refusait d'y croire, qu'on ne croit toujours pas en notre histoire. Je peux pas voir ce que je n'ai pas, mais percevoir ce que l'on dit pas. On n'est pas né pour nier éternellement la vérité, face aux provoques des autorités de l'État. On ne voit jamais croire la version des majors, mais bien celle qu'on refuse de voir. On refuse d'y croire, il faut bien croire en notre histoire. Mais pourquoi? Parce qu'on refuse de croire. On a juste de quoi écrire, remémorer nos cris, énumérer les croix. Mais faut bien croire, on refuse d'y croire. On est ancré dans le noir, le style lent. Mais pourquoi? Parce qu'on refuse de croire. On a juste de quoi écrire, remémorer nos cris, énumérer les croix. Mais faut bien croire qu'on refusera d'y croire.